Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'y mettrai tout mon cœur. Pour le travail à l'ombre et le soir pour la soupe. La chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ah, ah, ce serait le bonheur. Si j'avais une chanson, je la chanterais le jour. Je la chanterai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. En retournant la terre pour alléger nos peines, je la chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Si j'avais une chanson à chanter, je serais la plus heureuse. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson.